tres petites notes de música. Amb Yves Montan obre avui una nova edició d'Hola la Música amb Rafael Corbí. És el nostre programa 132. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais une rue, un été, une fille qui fredonnait. La la la la, je vous aime chanter la rengaine, la mon amour. Des paroles sans rien de sublime, pourvu que la rime amène toujours une romance de vacances qui lancinante vous relance. Vrai, était si jolie, si fraîche épanouie, et tu ne l'as pas cueillie. Vrai, pour son premier frisson, elle t'offrait une chanson à prendre à l'unisson. La la la la la, tout rêve rime avec sa chèvre, le tien ne rime à rien. Fini avant qu'il commence, le temps d'une danse, l'espace d'un refrain. Trois petites notes de musique qui vous font la nique du fond des souvenirs. Lève un cruel rideau de scène sur mille et une peines qui ne veulent pas mourir. És la música i és la companyia que ens acaben d'oferir ara mateix a través d'aquesta sintonia. Així sonava la música per començar el nostre programa d'un magnífic artista com és Yves Montan. Seguirem amb el nostre espai i ho farem amb molta més música, òbviament, la que us volem oferir al llarg de tots aquests minuts. Minuts que ens arribaran amb gent fantàstica i que ens acompanyaran amb comentaris dels nostres oients a través del Facebook. Sobretot a través d'un oient que ens recomana cada programa música diversa, perquè no agraden, no acaben d'agradar les que hi ha, i dels mateixos artistes ens diu, doncs jo prefereixo això. Carlos, esto es por ti, o això és per tu en el dia d'avui. Amb un programa dels que us vam oferir, doncs teníem música de Bàrbara, i ens va dir que li agradava més la Milen Faumea. excel·lent la música d'aquesta artista, és una de les meves preferides i m'encanta escoltar-la una vegada i una altra també a través del nostre programa. El seu nom real, Miel Jean Gauthier, nascuda el 1961 al Quebec, juntament a Fiafons, la població d'aquesta província, nacionalitat canadenca. Després de la música de Milan Farmer, que ens arribava a través d'aquest programa i que ens ho conduïa amb un dels comentaris que se'ns adreçaven a través del nostre Facebook, Hola la Música, escoltarem un altre artista, en aquest cas també sol·licitat. Michel Delpech és Quand j'étais chanteur. Qui devient gênant, ma pauvre Cécile. J'ai 73 ans, je fais de la chaise longue et j'ai une babysitter. Je traînais moins la jambe. J'étais chanteur, j'avais des hoodies blanches, un gros ceinturon, une chemise ouverte sur un médaillon. C'était mon sourire, mon atout majeur. Je m'éclatais comme une bête quand j'étais chanteur. Un soir à Saint-Georges, je faisais la kermesse. Ma femme attendait planquée dans la Mercedes. Elle s'est fait jeter dans l'Indre par tout mon fan club. J'avais une vie dingue quand j'étais chanteur. Les gens de la police me reconnaissaient. Les excès de vitesse, je les payais jamais. Toutes mes histoires s'arrangeaient sur l'heure. On me pardonnait tous mes écarts quand j'étais chanteur. J'ai 73 ans. J'ai appris que Mick Jagger est mort dernièrement. J'ai fêté les adieux de Sylvie Vartan. Aujourd'hui, mais j'entends quand même des choses que j'aime et ça distrait ma vie. Pour moi, il y a longtemps que c'est fini. Je comprends plus grand chose aujourd'hui, mais j'entends quand même des choses que j'aime et ça distrait ma vie. Són dues de les peticions, els comentaris adreçats amb aquest espai d'Hola la Música al número 121, després d'haver escoltat algunes coses com en Bachung, doncs posa algo de Delpech, o no m'agrada Bachung, prefereixo Marc Lavoine, és un altre dels artistes que avui escoltarem com aquest amor de 30 segons amb aquest especial avui, contestant missatges del nostre canal de Facebook d'Hola la Música. L'amor de 30 segons, l'amor de 30 segons, amb aquest personatge, una cançó del 1991. En Carlos, em seguia més propostes que arribaran a continuació amb l'Alain Souchon. Hola la Music, amb Rafael Corbí. D'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Allez, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous, dérisoire, car foule sentimentale. Soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale. voir comme on nous parle, comme à... Il se dégage de ses cartons d'emballage, des gens lavés hors d'usage, et triste et sans aucun avantage. Inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner, né, pour des cons alors qu'on est. Foule sentimentale, avec soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles. Que des choses pas commerciales, foule sentimentale. Il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul Lou Solitaire. Oh, le mal qu'on peut nous faire. Et qui ravage à la moqueur du ciel dévale un désir qui nous emballe pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval. Foule sentimentale, on a soif d'idéal. És la música de l'Alain Sechong, que havíem escoltat amb el nostre programa 117, amb la presentació del seu disc Estimo els 50 de 2019, i que ens havia portat fins a 5 cançons d'aquell disc que us varen presentar. En Carlos ens comentava que no li agradava gaire, però que hi havia un parell de peces d'ell que segurament li agradaven molt més, com per exemple aquesta que acabem d'escoltar, el Full Sentimental, o aquest Allo Maman Vovo. Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y'a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y'a rien à faire. Je suis mal en campagne et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman, bobo. Allô, maman, bobo. Traîne fumée, je me retrouve avec mal au cœur. J'ai vomi tout mon 4 heures. Fête nuit folle avec les gens qui ont du bol. Maintenant que je fais du music-hall. J'suis mal à la scène et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, j'suis pas beau. Allô, maman, bobo. Allô, maman, bobo. Moi, j'voulais les sorties de port à la voile. La nuit parée les étoiles. Moi les chevaux, le revolver et le chapeau clown. La belle Peggy du saloon. J'suis mal en homme dur et mal en petit cœur. Peut-être un petit peu trop rêveur. Allô maman bobo. Maman comment tu m'as fait, j'suis pas beau. Allô maman bobo. Allô maman bobo. J'marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. dans ma tête y a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête y a rien à faire. Je suis mal en campagne, je suis mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman. Realment s'ha de considerar que són cançons precioses i magnífiques, les que amb les recomanacions, tot desitjant que li agradin coses que ens fa als nostres oients, i és que ens agrada comentar el que vosaltres ens deixeu posats amb els nostres diferents canals que tenim, perquè de fi de comptes aquest programa està fet per vosaltres, per la gent que escolta Hola la Música. Vam dedicar un programa ja fa bastant de temps, concretament el programa 69, la música que ens portava, això era el febrer del 2019, si no recordo malament, també la Axel Red. Allà en Carlos ens deia que li encantava l'Axel Red, sobretot amb aquesta cançó que tan bé recordem, des del 93, la cantant belga amb Sensualité. Je veux que ce moment puisse voir. Esteu escoltant Hola la Music amb Rafael Corbí. Bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais. Moi je sais d'où tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Mais finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. Magnífica la interpretació de Jacques Brel d'aquesta cançó, la cançó dels vells amants, una peça realment magnífica. Com vàrem dedicar un programa especial amb en Kenji Girac, que també, més d'una vegada l'hem escoltat a través del nostre programa, el cantant nascut el juliol del 1966, del 1996, 30 anys després que hi nascés jo, de Bergerac a França. En Kenji Girac és un personatge que a mi m'encanta, l'escoltarem amb una cançó que també en Carlos ens recomanava amb un dels comentaris del Facebook. Avui estem repassant és una cançó del seu àlbum de 2015, un àlbum magnífic, per cert. Quand j'ai froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi, quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle, elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. C'est son sang qui coule dans mes veines, et des souvenirs par centaines bercent mon cœur de mille étoiles. Elle est ma quête, elle est mon graal. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Quand je me blesse, elle est douceur, comme une caresse dans l'existence. Quand j'abandonne, elle devient lionne et me relève avec patience. Quand j'ai la folie des grandeurs, elle me ramène sans me faire mal. Elle est dans ce monde infernal, mon étoile parmi les étoiles. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'apportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'apportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Escoltes Hola la Música, Rafael Corbí, el programa de música en francès que t'arriba a través d'aquesta emissora i dels nostres xarxes socials, del nostre Facebook, doncs pots trobar cada setmana Hola la Música. Cançons que ens demanen també oients a través d'aquest canal, com per exemple aquesta peça del 2018, aquest cantant, rapper, productor i compositor nascut com a Ganji Yuna a Kinshasa, al Congo, el que abans havia estat al Zaire, el 1986, però que a l'edat de 2 anys es va moure tota la seva família i van anar tots cap a França. Metro James amb Caméléon. Ok, y a toute une histoire derrière nous. Comment tu veux que je donne des news? Ce n'est pas qu'une question de flouz. Et tu le sais, ok, je ne veux pas vivre dans le doute. Y a rien à comprendre. Le temps va trancher entre nous. Je descendis partir et j'ai pris les devants. Malgré moi tu m'attires un peu comme un aimant. Mais toi tu dis je t'aime comme un caméléon. Je descendis partir et j'ai pris les devants. Malgré moi tu m'attires un peu comme un aimant. Mais toi tu dis je t'aime comme un caméléon. On on s'est promis des sentiments. Quand tu disais oui, moi je disais non. Et on s'est laissé tomber. On s'est laissé tomber. Je t'en voulais pendant des années. Et toi qui disais bah c'est du passé. On s'est laissé tomber. On s'est laissé tomber. On s'est promis des sentiments. Tu disais oui, moi je disais non. On s'est laissé tomber. Laissé tomber. Je t'en voulais pendant des années. Et toi qui disais bah c'est du passé. On s'est laissé tomber. Laissé tomber. On s'était promis d'essayer. On a eu tort de s'accrocher. Trop compliqué. Ok. Qu'est-ce qui ne va pas entre nous? Tout ça va finir par me rendre fou. Je n'étais pas au rendez-vous. Et toi non plus. Je t'ai senti partir et j'ai pris les devants. Malgré moi tu m'attires un peu comme un aimant. Mais toi tu dis je t'aime comme un caméléon. Je t'ai senti partir et j'ai pris les devants. Malgré moi tu m'attires un peu comme un aimant. Mais toi tu dis je t'aime comme un caméléon. On s'est promis des sentiments. Quand tu disais oui, moi je disais non. Et on s'est laissé tomber. On s'est laissé tomber. Je t'en voulais pendant des années. Et toi qui disais bah c'est du passé. On s'est laissé tomber. On s'est laissé tomber. On s'est promis des sentiments. Tu disais oui, moi je disais non. C'est laisser tomber, laisser tomber. Je t'en voulais pendant des années. Et toi qui disais, bah c'est du passé. On s'est laissé tomber, c'est tombé. Accorde-moi une dernière danse. Je veux savoir à quoi tu penses. Quand tu regardes dans le vide, et ces sentiments que tu déguises. Toujours à jouer avec les mots, toujours à se rejeter la faute. Je peux comprendre que t'es fini par dire stop. Et on s'est promis des sentiments. Quand tu disais oui, moi je disais non. Et on s'est laissé tomber. Laissé tomber. Et je t'en voulais pendant des années. Et toi qui disais, bah c'est du passé. On s'est laissé tomber. Laissé tomber. On s'est promis des sentiments. Tu disais oui, moi je disais non. On s'est laissé tomber. Laissé tomber. Je t'en voulais pendant des années. Et toi qui disais, bah c'est du passé. C'est laisser tomber, laisser tomber. Doncs genial, aquesta interpretació, no n'hi ha cap mena de dubte. Friends Goal, en la seva declaració, l'escoltem també a continuació amb el nostre programa i a la recta final d'Òptica. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas une déclaration, ma déclaration. Quand je suis seule, que je peux inventer, que tu es là tout près de moi. Je peux m'imaginer tout bas une déclaration, ma déclaration. Juste deux ou trois mots d'amour pour te parler de nous. Deux ou trois mots de tous les jours, c'est tout. Je ne pourrais jamais te dire tout ça. Je voudrais tant, mais je n'oserais pas. J'aime mieux mettre dans ma chanson une déclaration. Une déclaration. déclaration, ma déclaration. Juste deux ou trois mots d'amour pour te parler de nous. Deux ou trois mots de tous les jours, c'est tout. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas. Une déclaration, je t'aime quand tu es près de moi. Je t'aime quand tu n'es pas là. Je pense à toi. Je t'aime quand tu souris. Estem a la recta final del nostre programa per aquesta setmana. Ens queden pocs minuts, anem a gaudir-los, anem a disfrutar-los en cançons com aquesta de Philippe Laville o aquesta que ve a continuació de Jean-Jacques Goldman des del 1985. Mets du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. Levé sans réveil, avec le soleil, sans bruit, sans angoisse, la journée se passe. Repasser poussière, y a toujours à faire. Repas solitaire, en point de repère, la maison si nette qu'elle en est suspecte. Comme tous ces endroits où l'on ne vit pas, Les êtres ont cédé, perdu la bagarre. Les choses ont gagné, c'est leur territoire. Le temps qui nous casse ne la change pas. Les vivants se fanent, mais les ombres pas. Tout va, tout fonctionne, sans but, sans pourquoi. D'hiver en automne, ni fièvre, ni froid. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer. Devant son poste de télévision, elle apprend dans la presse un scandale, la vie des autres qui s'étale. Mais finalement de moins pire en banal, elle finira par trouver ça normal. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer. Mais ça fait bien loin que personne la touche. Des mois, des années, sans personne à aimer. Et jour après jour, l'oubli de l'amour. Ses rêves et désirs, si sage et possible. Sans cri, sans délire, sans inadmissible. Sur 10 ou 20 pages de photos banales. Bilan sans mystère, d'années sans lumière. Anem acabant, aquesta és, no la darrera, però quasi quasi, amb Francis Cabrel. Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, je me bats pour toi, pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri, sous un ciel aussi joli que des milliers de roses. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi, d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Petite Marie, je t'attends transi sous une tuile, ton toit, le vent de la nuit froide me renvoie la ballade que j'avais écrite pour toi. Petite furie, tu dis que la vie c'est une bague à chaque doigt au soleil de Floride. Moi mes poches sont vides et mes yeux pleurent de froid. froid. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Je viens du ciel et les étoiles entre elles. Un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Tanquem la paradeta, família. Gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més a Hola la Música. La cançó curta d'Albert Prejean, que ens aporta Rima de Vals, una de les seves cançons parlant de Bon Morte. Adéu-siau i fins la propera. Gràcies per haver-nos escoltat. Qui font des chansons sur le milieu, oh quelle rigolade. Ils ne savent pas comment nous vivons et balancent sur nous des salades. J'en ai fait une à ma façon et je vous le dis sans fanfaronnade. Ça ne casse rien, mais l'air est très bien et vous chanterez tous au revoir. La valse à Dédé de Montmartre, au son de l'accordéon, vous donne le grand frisson. La valse à Dédé de Montmartre, on la fait deux à deux et les yeux dans les yeux. La valse à Dédé de Montmartre, c'est la danse d'amour qui nous grise toujours. Dans tous les musées, on la tourne sans frais. C'est la vraie, mais la vraie, vraie de vrai. Entre nous, on est de bons bourgeois. Notre rêve, c'est de pouvoir sur terre en planquer un peu chaque mois pour se tirer vivement des affaires. Dans un bled à voile son chez soi, enfin vivre comme des millionnaires. Entre poteaux, boire son apéro et le soir chanter au bord de l'eau. La valse à Dédé de Montmartre, au son de l'accordéon, vous donne le grand frisson. La valse à Dédé de Montmartre, on la fait deux à deux et les yeux dans les yeux. La valse à Dédé de Montmartre, c'est la danse d'amour qui nous grise toujours. Dans tous les musettes, on la tourne sans frais. C'est la vraie, mais la vraie, vraie de vrai. La valse à Dédé de Montmartre, c'est la danse d'amour qui nous grise toujours. Dans tous les musées, on la tourne sans frais. C'est la vraie, mais la vraie, vraie de vraie.